C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Un survol du plus récent numéro du Zone Campus avec Audrey Tremblay. Et les sorties spectacles et la critique du spectacle d'OK Go avec Stéphanie Gaillé. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. On est le lundi 18 octobre 2010, c'est mon nom Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Bonjour les requins. Ça va bien? Oui, toi, ça va bien? Oui, ça va bien. Dur lundi, ce matin. Une autre semaine qui commence. Une autre semaine qui commence, une autre déterminée la semaine dernière. Et une autre qui se termine dans 5 jours. C'est Confucius, je pense. Oui. Confucius qui disait ça. C'est ça? Ou c'est Patrice Lécuyer? C'est ça, peut-être. Un des deux. Ah, fouille-moi ça. C'est le moment d'affronter votre moment de vérité. Non, Confucius, il disait souvent ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans ta tête, mais... Je sais pas. On va parler de l'émission d'aujourd'hui à la place. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas. On reçoit, comme à toutes les deux semaines, Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, pour faire un survol du plus récent numéro. Cette fois-ci, on parle de l'Assemblée générale de la GEQTR qui a fait sale comble en couverture. Alors, c'est intriguant. Moi, ça m'intrigue. Oui. Oui. En fait, mais il y a d'autres choses aussi. J'imagine. Oui. On va parler de l'Assemblée. L'Assemblée générale spéciale de C'est fou, qui s'est passée aussi le même jour. Tout à fait. Donc c'est tout à l'heure vers les 8h environ. On a aussi Stéphanie Gagné qui va venir vers les 8h30 pour nous parler entre autres des sorties spectacles de la semaine. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire à Trois-Rivières et ailleurs? On va savoir ça. Et elle va aussi parler du spectacle qu'on est allé voir ensemble, en ami. Le spectacle d'Okego à Montréal, c'était hier. On a eu bien du plaisir. C'était Stéphanie, moi, Émilie Gauthier, que tu connais. Oui, qui fait une chronique ici. Tout à fait, elle veut sortir avec moi. Et puis, c'est le nom de sa chronique. et puis, ma copine. Oui. Voilà. Donc, on va parler tantôt vers les 8h30. D'ici là, c'est un fait. Il y a plein de bonne musique, comme toujours. On commence avec un classique de Hey Rosetta. Ça te rappellera peut-être quelque chose. C'est la pièce Blackheart. D'autres choses qui s'en viennent, toi? Oui, en fait, je vais vous parler d'un meurtre qui s'est passé à Shawinigan. Oh! On parle d'une assassine. Une assassine. Est-ce qu'elle a le cœur noir? Oh, je sais pas. Pas très bien non plus, la dame. Donc, qui a été tué ou qui a tué? Qui a tué. Ah! Ouais. Mais c'est morbide. Ouais? Ouais. Le matin de même? Le matin. Je vois, écoute, ça s'est passé, il faut en parler. Tu vas m'achever. Je vais t'achever, Mathieu Blanc. D'ici la fin de l'émission. Ce sera que François-Olivier marche. Your darkest dirt, hardest paradox I ever learned. You're tireless, and I tire you quick. Seize the death of reason within my chest. Your darkest dirt, We'll be right back. aussi, je pense que. Je pense que ça aussi, c'était Patrice Lécuyer qui disait ça. On en sortira tous pas vivants. On va ouais, tous s'en sortir. Confucius. Ah, là, tu vois, moi, je me mélange tout le temps entre les deux. Là. Eh, c'est ça. On se ressemble sur ce point-là, Mathieu. Ouais. Mathieu Plante. Ben, François-Olivier Marchand. Hey, écoute, je te parle, comme je te l'ai dit hein, auparavant, en début d'émission, du meurtre qui s'est passé à Shawinigan. Mm-hmm. C'est une femme de 25 ans qui est accusée de meurtre. Un homme de 25 ans, en fait, est mort dans la nuit de vendredi à samedi, là, en fin de semaine, après avoir été poignardé lors d'un souper entre amis à Shawinigan. Ouais, très bizarre. Avec des amis de même, hein? C'est vraiment bizarre. La jeune femme qui l'a agressée a été depuis accusée de meurtre au deuxième degré. C'est survenu un peu avant une heure la nuit dernière. Ben, la nuit dernière, la nuit... Avant-dernière. Ouais, c'est ça, exactement, samedi. Qu'est-ce que je disais? C'est ça, un souper réunissant plusieurs amis qui auraient tourné au vinaigre pour une raison qui reste encore là, toujours inconnue. Donc, l'accusé Kim Cloutier, 25 ans, aurait agressé Steve Ouellet avec une arme contondante, le blessant gravement. Son décès a d'ailleurs été constaté lors de son transport vers l'hôpital. Colin! Ouais. J'espère qu'il jouait pas un meurtre et mystère, genre, puis qu'il prenait ça vraiment à cœur ou quelque chose. Je sais pas. Mmh. La jeune femme a comparu dimanche par voie téléphonique et demeure détenue en attendant son retour devant les tribunaux en début de semaine. Selon nos informations, à moi et à Mathieu. Oui, c'est ça, c'est nous autres. Hein. Oui. La suspecte serait la belle-sœur de la victime. Ah! En plus, hein, c'est... Wow! Tu sais que c'est pratiquement dans la même famille, là. Pratiquement? Ouais. Incroyable. Eh ben. Très bizarre. On sait pas ce que les gens pensent ou... Mais, écoute, on sait pas non plus l'histoire non plus. Là. Ça, on peut... C'est facile de juger quand on connaît pas. C'est ça, ça pourrait être un accident, peut-être. Ben, là, je suis pas sûr si je dirais ça, là, mais tu sais, on sait pas. C'est sûr qu'il y a des raisons qui. Il y a rien qui va justifier ça, mais ça pourrait expliquer au moins. C'est ça. Expliquer un certain sens, mais c'est sûr que ça peut pas expliquer le geste. Et je pense pas que. Je pense pas que ça soit une méthode pour régler des problèmes. Non, sûrement pas. Surtout à 25 ans, là, tu gâches un peu ta vie. Là, Ouais, ben un peu celle de l'autre aussi. Ouais. Lui, sa vie est pas mal gâchée complètement. Non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est déprimant un peu, à peine. C'est déprimant. Hey, Jean-François Harrison aussi, porno juvénile. Oui, tout à fait. Lui aussi, sa vie est gâchée pas mal. Hein? Oui, il devrait passer en cours bientôt. Donc je pense qu'il va y avoir des nouvelles. Moi, j'ai hâte qu'on ait des nouvelles là-dessus. Là, quelque chose qui avance autre que tout le temps redondé. Non, c'est ça. On n'entendait plus parler du tout. Donc, non. Oui. Bon. Oui. D'accord. Donc, tout à l'heure, on passera à des choses un petit peu plus, heureuses. Vivantes. En effet. Dont quelques faits dans la chronique. C'est un fait. Un sur Bill Gates. Un sur le mois d'août et les vendredis 13. Mm-hmm. Et aussi, le baiser le plus long du monde. Tout à l'heure, dans C'est un fait, mais pour l'instant, on écoute Alex Nevsky. Voici sous les stroboscopes. À Sauvage Requis au 89 FM, c'est fou! La radio campus de Trois-Rivières. Nos vies dansent sous les stroboscopes, remplir nos têtes de n'oubli, dansent sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et obimance sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli, dansent sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Danse sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libre sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit danse sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli dans sous les stroboscopes. Ah oui c'est sûr que nos vies dansent sous les stroboscopes. Dance sous les stroboscopes. Black white, black white, black white, black white. Everything seems so fun until you turn on the lights. Do you get inspired by nights? You can't play back at the bar, the facts. Your best friend lays down of how people react. You gotta learn to close your eyes and turn the page. Take a step forward and dispose of.

Moi, ça me rend heureux. Moi, ça me rend heureux. Oui, c'est de même. Toi? Oui. C'était carré. Oui, bonne pièce. Gonzalez? Oui, avec Working Together de l'album Soft Power sorti à l'été 2008. Mais ça n'a jamais joué assez fou, ben. Ben, toi, tu l'as déjà fait jouer. Ouais, je l'ai déjà fait jouer. Parce que la pièce me disait quelque chose. Mais j'étais tout seul. Assemblage requis, l'émission du matin en pièces détachées, face à Olivier Marchand, Mathieu Plante. Maintenant, ensemble, nous allons travailler ensemble, working together, pour se faire une petite chronique complètement utile. Non. C'est un fait. Pas encore. Ben oui. Tous les jours. Ah, qu'on a des faits intéressants. Vous allez vous mettre ça sous la langue pendant environ 5 minutes jusqu'à temps que ça se dissoude. C'est comme un casse-grippe. C'est comme un casse-grippe. Ça fait passer le malheur. Hein? T'aimes ça? Pas pire, hein? Ça marche. Ça marche. Casse pas ta tête. Ça marche. Ouais, c'est ça, exact. Est-ce que tu connais le bonobo? Le quoi? Le bonobo? Bonobo. Bonobo. C'est le seul animal non humain qu'on a vu en train de faire des trucs sexuels, des baisers avec la langue et du sexe oral. Mm-hmm. C'est le seul animal qui fait du sexe oral. Le seul animal qui n'est pas un humain qu'on a observé face à face comme ça en train de faire des choses. Donc un bonobo, c'est dans la même famille que les chimpanzés. Contrairement aux chimpanzés, par contre, les bonobos ont des membres plus longs et ont un type corporel un petit peu plus svelte, si on veut. Ils ont aussi leur centre de gravité est plus bas, ce qui leur permet de marcher sur deux pieds. OK. C'est vrai. Vraiment, tu m'intrigues? Ben, je sais bien. On dit qu'en plus, en plus d'avoir un comportement sexuel similaire aux humains, les bonobos partagent environ 98% de notre ADN. Les bonobos et les chimpanzés sont nos plus proches génétiquement. Descendants génétiques, ouais, c'est ça, dans la même famille. Ceux qui nous ressemblent le plus. Voilà, bien dit, bien dit. Savais-tu qu'environ 400 milliards de gallons d'eau sont utilisés par jour dans le monde entier? Combien? 400? 400 milliards de gallons. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Savais-tu aussi qu'il y a un glacier à l'Équateur? C'est vrai, il y a un glacier à l'Équateur. Sur le mont Cotopaxi, dans l'Équateur. Okay. Savais-tu aussi que Saturne n'est pas la seule planète avec des anneaux? Jupiter, Neptune et Uranus ont un système d'anneaux subtils et que la Terre a déjà peut-être eu des anneaux. OK, intéressant. Ah, c'est des faits sur la planète qu'on retrouve sur une liste complète sans un fait sur la planète. Le lien est sur assemblagerequis.com, évidemment. Savais-tu qu'une partie de la maison de Bill Gates a été designée par un Mac, sur un Mac en fait. Ah ouais, t'es sérieux? Sur une machine Mac. C'est la firme d'architecture Bolin Sewinsky Jackson qui a la maison de Gates avec James Cutler Architects. BCJ a un bureau basé sur des ordinateurs Macintosh. Même que les plans de la maison de Gates ont été... en fait, la plupart des dessins ont été faits à la main, ce qui était plus commun dans les années 90 qu'aujourd'hui. Par contre, le garage a été fait sur le logiciel Mac Model Shop. Ouais, Model Shop. Bill Gates ne doit pas être content. Ah ben non, mais carrément, j'avoue que lui-même... Je sais pas de quoi il pense, hein, de qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'ils pensent d'Apple? Je sais pas. Il avait banni à un moment donné les iPods sur, il me semble, chez Microsoft, quelque chose du genre. J'avais pas lu quelque chose là-dessus. Okay, pour les années. Employés? Ouais, c'est ça, les employés n'avaient pas le droit. En tout cas. Est-ce que tu connais le film Superbad, sûrement, avec Michael Cera et les autres? Superbad, super malade. Non? Non. Bon. Non. Ben, peut-être que toi, il t'intéressera pas ce fait-là. Mais saviez-vous que Superbad, qui est la version originale du film, s'appelle Super Cool au Mexique, en Argentine et au Pérou? Selon IMDb, au Brésil, le film s'appelle Superbad It Is Today. Donc, ben, c'est genre Superbad, c'est aujourd'hui. En Italie, le titre se traduit environ en Superbad, trois mensonges au-dessus des cheveux. Et là, demandez pas ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée. En Hongrie, ça s'appelle Superbad, pourquoi le sexe est gênant. C'est bizarre, ça. Ben oui, c'est bizarre. Ça, c'est une chose que je n'ai jamais compris. Et je crois que je ne comprendrai jamais. C'est ça, on pourquoi, se dit tout le temps qu'en France... Pourquoi un titre change? Ouais, pourquoi les changer? Superbad, mais c'est quoi? C'est parce que tu veux pas que le film, les gens pensent qu'ils vont super mauvais? Tu sais, mettons, pourquoi qu'au Québec, ça s'appelle pas super mauvais, mettons? C'est ironique, je sais pas, tu sais. Je sais pas, je peux comprendre français, anglais, c'est correct, mais tu sais, change pas la signification non plus. Change pas, traduit vraiment mot à mot. Ouais, c'est ça, si ça se fait, mot si à ça mot. Si ça se fait, ouais. Sinon, quelque chose de similaire, bon, une autre expression dans le film, quelque chose d'utilisé dans le film. Exact. Mais on rit tout le temps des Français qui appellent des films avec des noms vraiment complètement ridicules en français par rapport à l'anglais. Mais on voit maintenant par ça que ça a lieu partout dans le monde, là. C'est répandu. Les gens sont pas capables de traduire un titre correctement. T'sais. Mon exemple le plus que j'aime depuis quelques mois, années, c'est The Hangover, je t'avais déjà dit, je pense. The Hangover, lendemain de veille en français, ici au Québec. Oui. Oui. Et puis en France, comment ça s'appelle? Je sais pas. Very Bad Trip, mais en français. Là, ah ouais? Very Bad Trip, juste ça. Hey, mais tu l'as-tu vu ce film-là? Non, pas encore. Non? Non, mais j'adore les acteurs qu'il y a dedans, il faut que je le vois. Hey, je l'ai loué, je l'ai écouté vendredi. OK. Vendredi, très bon film, j'ai ri, ah j'ai ouais? vraiment ri. OK. Je me suis surpris à rire, là, tu sais, d'avoir un bon rire. Là. Et ça, c'est quand même rare pour moi dans un film. Ouais. Souvent, je souris, tu sais, mais... Je sais pas, j'ai de la misère à vraiment rire, à éclater de rire. Ce film-là ouais. me l'a provoqué. C'est pas, c'est vraiment pas... intelligent. Ben non, mais tu sais, c'est vraiment pas son jeu, tu sais, mais c'est ouais. divertissant, tu vois, donc... ouais, ça vaut la peine. Okay. Allez voir ça. Moi, je suis un grand fan de Zach Galifianakis qui joue dans ce film-là. C'est le gros barbu, là. Ouais, ouais, ouais, très drôle. Il est très drôle, ça, là. Puis écoute, hier, on écoutait... Il joue dans quoi, lui? Ben là, il est comme de plus en plus gros, là. Là, il est dans plein de films en ce moment. Il était dans le Dîner de con, le nouveau Dîner de con. OK. Ça, je l'ai pas vu, là. Il est dans plein d'autres. Puis il y a une émission web qui s'appelle Between Two Ferns que je me suis tapé un paquet hier. C'est juste un genre de faux talk show. À la, je sais pas, même pas à la, y a pas de à la là-dedans. Mais genre, des entrevues inconfortables. C'est bien le fun, c'est sur Internet. Between Two Ferns. C'est vraiment des entrevues entre deux arbustes. C'est super la fun. Oh. Ouais, donc voilà pour ce fait-là. Continuons avec le mois d'août qui n'aura pas de vendredi 13 avant l'an 2021. Le mois d'octobre, on est en octobre présentement. Oui. Le mois d'octobre a eu un vendredi 13 pour la dernière fois en 2006 et en aura pas un autre avant 2017. Et là, j'ai vérifié le prochain vendredi 13 qu'on va vivre, toi et moi, François. Par contre, je ne crois pas qu'on va le vivre en ondes parce qu'on n'a pas d'émission le vendredi. Mais ça va être en mai 2011. OK. Prochain vendredi 13, okay. C'est loin. Hein? Il y a des années où on en a eu deux, trois, mais c'est fini. Ça. Mais on a au moins un à chaque année. Ça, inévitablement. Par contre, je sais pas. Ouais, vraiment. Mais de mémoire, okay. En fait. Là. Possible. Oui. Ouais. Même je pense que je m'aventurerais à dire oui. Okay. Ben, ça a du sens. En tout cas, j'avoue que c'est logique. Je l'avoue. T'sais, chaque mois revient à une couple d'années, là, mais... Allons-y avec un autre fait sur la plus longue note de saxophone à vie. La plus longue? Oui, attends, non, on va finir avec cela pendant que je te demande. Tantôt, tu me passeras radio-radio, OK? OK. Là, c'est de radio-radio pour la fin du bloc. C'est un indice pour mon dernier fait. Faudrait pas que je l'oublie. Hein? On est plus près de l'espace qu'on est du centre de la Terre. Savais-tu ça? Eh bien, l'espace, c'est pas tellement loin, hein? Exactement, exactement. La distance entre la surface de la Terre et son centre est d'environ 60 fois plus longue que la distance entre ici, la surface de la Terre, et l'espace. L'espace commence à environ 62 000 au-dessus de la surface de la Terre, alors que le centre de la Terre est à 3 963 000 en dessous du sol. C'est ça, exactement, parce que je me suis déjà fait dire, exemple, là, si on prendrait l'auto, mais de façon verticale, ouais. Ça serait moins loin aller dans l'espace qu'aller à Montréal. Wow. T'imagines? Wow. C'est vraiment incroyable, ça. Ouais. C'est à moins de 100 km. Comme tu disais, 63 000? 62 000. Ouais. 62 000, ça doit faire ça à peu près 100 km. Là. C'est ridicule, c'est génial, ça. C'est fun à savoir. Tu connais Mr. Peanut, les arachides? Ouais, ouais. Avec un monocle, là, une peanut en écaille. Cette mascotte-là, pour Planters Peanuts, a été créée par un enfant de 14 ans. OK. C'était en 1916, la compagnie a fait un concours... 1916, c'est pas vrai. C'est vieux. Ouais. Donc, le design gagnant va devenir la marque, l'icône, si on veut, de la marque. Le jeune Antonio Gentile... Antonio Gentile a soumis son sketch pour une arachide anthropomorphique, donc avec des bras et des jambes, qu'il appelait Monsieur Peanut. Un artiste, un dessinateur, plus tard, a ajouté un monocle, un chapeau, des gants blancs et une canne pour indiquer que Planters Peanut était dans leur propre classe, donc qu'ils avaient de la classe. Et Antonio, lui, tu dois te demander, mais là, il est rendu riche, il a pris sa retraite. Non, j'imagine qu'il n'y a pas eu une scène de ça. C'est de l'abus, il y a eu 5$. 5$. C'est ridicule. Hein, mais ça, en 1916, c'était peut-être beaucoup mal. Peut-être, mais 5, ouais, j'avoue, mais c'est pas une paye. Non. En tout cas, moi, je trouve ça ridicule, les compagnies qui demandent au public de faire les affaires pour eux. Mais ça coûte rien, c'est de l'esclavage et les gens le font volontairement. Ben, je dirais pas que c'est de l'esclavage. Non. Les gens ont quand même le droit ou non ou de le faire. Parce que veux pas, souvent, ils ont des prix. Ouais. Si, exemple, je fais un concours pour gagner un iPod. Ouais. Ben, t'en veux-tu un iPod ou t'en veux pas? C'est vrai, tout à fait. T'sais, dans le sens que, puis en fait, on te demande pas beaucoup de ressources, si on veut, là, d'efforts. Ouais. Mais bon, okay, c'est mon point de vue. Je peux comprendre. Je pense que tu as raison là-dessus. Je retire mon opinion là-dessus. Tu as raison. Mais non, mais, t'as le droit d'avoir ton opinion aussi. Tu m'as fait réfléchir et arriver à une autre conclusion, François. Mais tant mieux. Bon. Je vous avais parlé que je vous parlerai aussi du plus long baiser du monde qui a duré 32 heures, 7 minutes et 14 secondes. 32 heures. C'est le Guinness World Record qui a été réussi en 2009 par un couple allemand, Nicolas Mazovic et Christina Reinhardt. Par contre, une paire 32 ans. Une paire d'étudiants collégiens du New Jersey ont récemment réussi à s'embrasser pendant 33 heures. Guinness n'a pas encore légitimisé le baiser entre Matty Daly et Bobby Cantiello. Il y a des photos et des vidéos si vous êtes sceptique dans l'article sur assemblagerequis.com. Hey, j'en reviens pas pour rire. 33 heures, c'est énorme. Hey, c'est énorme. Non, mais après ça, t'as-tu plus goût jamais de l'embrasser? C'est ça. Non, mais sacrifice, t'as même plus le goût d'embrasser personne. Faut que t'aies une bonne respiration, faut jamais capable. Ah non, pis... Wow! Parce que... Non, pas pour moi. Ça mais devient non. Comme tout... Ouais, tout ratatiné dans la bouche. Too much. Too much. Hey, tu me fais penser à ça. Ouais. Je sais pas si... Tu te souviens de ça, Mathieu? Souvent, les centres commerciaux, ça se faisait dans le temps, peut-être 10 ans. Dans le temps qu'il y avait Wilco. Ouais, à peu près. Mais, tu sais, il y avait des concours. Je garde mes deux mains sur l'auto le plus longtemps possible, oui. Ces trucs-là. Mais il y en avait, je pense que c'était de s'embrasser aussi très longtemps. Vois-tu, je sais pas pourquoi ça se fait plus. Je sais pas. Ouais, bonne question. Je sais pas. Je pense que à chaque heure qui passait, là, mettons exemple, les deux mains sur le véhicule, il gagnait, je pense, 5 minutes. Est-ce que c'est ça? OK. Je sais pas. Ben, qui pour dormir et puis pour se laver. Puis... OK. Fait que je sais pas si c'est pareil pour... Parce que 33 heures pour manger, on s'entend, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais, j'avoue. Pour manger. Puis... Mais j'avoue, c'est vrai, hein. Manger, pas dormir, tu peux pas dormir. Là. Non. Peut-être c'est que tu te goinfres bien gros avant. Puis. Ouais, mais. T'as quand même accès toilette. À ton. Ouais, mais un petit numéro 2, là. Ouais, j'imagine. Ouais. Ça pue, pas grave. Ben, ils ont peut-être des bons amis. C'est ça. Des gens qui les aident, je sais pas, François. Ah, peut-être. Des couches. Okay. Je sais pas. OK, bon, là, ça va être le moment de finir avec notre dernier fait de la journée. C'est un fait. La plus longue note tenue sur un saxophone a duré 45 minutes. Yes, ça. 45, ça doit être incroyable. Encore là, vois-tu, je sais pas comment est-ce qu'ils font. La ça bouche. Prend, hein? Ben, ça prend du souffle. Oui. Je sais pas. Parce que 45 minutes, incroyable. Tu peux pas souffler pendant 45 minutes. Mais devine, c'est qui? Gingivit Murphy. Non, mais tu le connais. C'est un artiste. Radio, ça donne pas un indice. Tu m'as donné le CD, non? Je suis peut-être là matin-là. Kenny G. 45 minutes? 45 minutes. Oui, en plus d'être un instrumentaliste vendeur de millions de records, Kenny G a aussi le titre de la plus longue note musicale retenue à travers l'utilisation du circular breathing. Et là, je vais pas... OK, ouais. Hey, mais tu sais-tu la technique? Écoute, c'est mon frère qui me disait ça. Okay. Les joueurs de trompette aussi le font. Là. C'est que en soufflant, sont capables d'inhaler en même temps. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un sacré exercice. Ouais, by breathing in through the nose, OK. Il respire par le nez tout en ressoufflant l'air. Par la bouche. Par la bouche. Mais c'est ridicule, c'est génial, ça. C'est génial. Je veux faire ça, moi. En utilisant de l'air emmagasiné dans les joues. Ben oui. Ah, c'est hallucinant, là. C'est vraiment, là... C'est populaire chez les gens qui jouent du didgeridoo. OK. Ben oui. OK. Cool. Mon frère me parlait d'un joueur de trompette, là. J'imagine que ça... C'est la même chose. Ouais, les instruments avant, ça doit... Donc moi, évidemment, vous le savez, je suis pas un fan de techniquement de musique, là, mais le E flat, c'est quoi? C'est un E flat. Hein, mettons, disons là comme ça. Do, ré, mi, fa. Ça doit ressembler à ça, là. C'est un sol. Ah, les gars, on s'en fout. Donc, pendant 45 minutes, 47 secondes, on se fout de la note en tant que telle. L'important, c'est le temps. Vu qu'il n'y avait pas de record avant ça, Kenny G avait planifié retenir la note pendant 30 minutes. Mais la foule qui était en délire, l'encourageait. Il a réussi à le faire pendant mais c'est hallucinant. 15 minutes de plus. C'est vraiment hallucinant. Je pense que j'aurais regardé, j'aurais resté là pour vraiment regarder. Tu manques de souffle toi-même en le regardant en faire. C'est plus fort que toi, là. C'est impensable, là. Mm. Pour la majorité des gens, là, qui sont incapables de faire ça, soit du temps passé. Faut de la pratique d'une vie au complet, je pense. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ouais. C'est toute une technique. C'est tout un talent. C'est tout un talent. Et il y aura d'autres faits demain. Pour l'instant, on écoute Radio et Kenny G non-stop. Ça vient sûrement de là, je m'achète. Kenny G non-stop.

François, tu ris de moi quand je vais jouer les pièces de la trame sonore de Scott Pilgrim. Je riais. Riais. De toi. Parce que celle-là es-tu juste pour ton information. Ouais. Ah non, pour les auditeurs qui ne savent pas, en fait, moi et Mathieu, on se chamaille. On se chamaille pour faire jouer de la musique. Et puis, je mets cette pièce-là. Et Mathieu, d'un sursaut, j'ai déjà entendu ça, je sais plus où. Ouais. Moi qui regarde sur la compilation de Scott Pilgrim, et ça trouve dessus donc Jack Ice pour dire que Scott Pilgrim comporte. Ben, oui, mais cette pièce-là ne rockait pas beaucoup, là, mais rockait dans le sens que c'est bon. Il y a Beck, il y a les Rolling Stones, il y a Metric. Ouais, c'est ça que tu m'as montré. Ben, Black Sheep qu'on a fait jouer la semaine dernière de Metric. Et puis le DVD et le Blu-ray sort le 9 novembre, donc procurez-vous ça. Si vous connaissez pas encore Scott Pilgrim, c'est le film très très geek, à tendance très jeu vidéo et très très bande dessinée. C'est basé sur une série de bande dessinée et puis c'est génial. En résumé, hein? En résumé, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est la même chose, la meilleure chose à vie. Bon. Bref, je sais pas, mais la trame sonore est vraiment bonne. Je te passerai le DVD aussi. Ah, tu l'as? Je vais l'avoir le 9 novembre. Hein? Moi, je vais avoir le 11 novembre, Call of Duty. Ah, Call of Duty, Colin, on a des dates dans notre calendrier à retenir. Ah, ouais. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. Restez là pour une deuxième tout à l'heure. On va avoir Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, pour faire un survol du plus récent numéro. Alors, restez là. Hein? Ben oui, bougez pas. Est-ce que ta caisse a ça aussi? Oui. Elle, est-ce qu'elle rock? Oui. Bon, c'est confirmé, restez là. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Deuxième heure d'assemblage requis, émission matinale en pièces détachées, en train de chercher Call of Duty. C'est Black Ops, c'est ça? Black Ops. Hey, ça a l'air cher, tes affaires que t'achètes, toi. Allez voir le prestige qui vient avec un petit auto téléguidé avec une caméra dessus. Donc, vous avez l'écran sur la manette. Mais ça a l'air complètement... crackpot. Ouais, je retombe vraiment en enfance. Là, on dirait que je le veux maintenant, même s'il n'est pas sorti. Mais bon. Ça me donne envie d'aimer les jeux comme ça. Parce que j'aime les jeux vidéo, j'adore ça. Mais tu sais, j'aime les Mario, des trucs de même. Pas sûr que ça me plairait tant que ça. Ouais, t'aimes les trucs un peu moins violents, je pense. Je pense que oui. Ouais. Mais je suis un gars pacifique. Oui, tout à fait. Pacifiste, assez, grand cœur, qui pue un peu les pieds, mais bon. À peine, mais ça, je garde mes souliers et ça règle le problème. Non, c'est ça, exactement. Puis l'été, écoute, t'es en sandales, on ouvre les châssis. C'est ça, c'est votre problème. Ouvrez vos châssis. Moi, je trouve que ça sent bon, mes pieds. Comme l'autre fois, là, t'avais dit ça, c'était drôle. J'avais-tu dit ça? Ben non. Toujours assemblage requis. Maintenant, ben, c'est le moment d'accueillir Audrey Tremblay, elle qui est rédactrice en chef du journal Zone Campus et qui, elle, sent, je sais, très bon des pieds. Puis, fille, tu sais, ça pète des fleurs avec elle. Hé, là, t'as l'air d'un maniaque aux pieds, là. J'avoue. Hein. On annule tout ça? Non. Écoute, tu l'as dit. Audrey, tabarouette. Attends. Bon matin. Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Pas satisfait du ça Zone manquait... Campus, ouais. Parce que ça vous concerne. Ça manquait de tonus au niveau du Zone Campus. On va recommencer, OK? J'ai dit Zone Campus. Non, mais moi, je suis pas pantoute, ce running gag-là. Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Hey, ça va-tu faire le bidouillage, là? Bidouillage. Ça va faire? Ça fera. Bidouillage. Ça fera, j'aime ça. Audrey Tremblay, salut. Bon matin. Bon matin, Audrey. Est-ce qu'il fait chaud dehors? Ah, il fait très froid ce matin. Bon, moi, il y a du stationnement, hein, parce qu'ils en ont rajouté ses côtés, là. Ouais, c'est vrai. Ils ont coupé le chemin aussi pour le stationnement gratuit, maintenant, pour faire le tour. Ah, sympathique. Pour acheter, le chemin? Pour faire deux stationnements forêt, plus. La petite forêt, ils ont mis des stationnements là-dedans, quoi, non? Non. Juste à côté du CAPS. OK. OK, c'est barré. Ça, c'est des stationnements maintenant? Oui, faut faire le tour par la nouvelle voie de circulation pour aller dans le stationnement gratuit. Je pensais que c'était un one-way, ce voie-là. Oui. Ouais. Mais l'autre avant? Oui. Tu iras faire un tour, François. Ouais, ouais, je vois. Allez-y. Moi, de toute façon, tu disais que les stationnements, on demandait si ça pouvait pas être payant à la place d'être gratuit, celui-là. Puis là, ben, à la place de faire ça, ils ont au moins rendu la vie plus difficile aux gens qui veulent absolument un parking gratuit. Donc, peut-être que ça va. Ils ont rajouté 4 stationnements. Hey, 4! Wow. 4, mais 2 à chaque rangée, ça veut dire peut-être. Quoi, ils ont peut-être rajouté une quarantaine de places de stationnement en tout et partout, là. Oui, correct. Parce qu'au niveau du Pierre Boucher aussi, ils ont fait la même chose, ils ont agrandi. Je sais pas si vous avez vu. Là. Parce que moi, je passe par là. Là je sais qu'ils ont fait. J'ai pas vu. Que voulez-vous? Bon. Stationnez-vous. Oui. On est là pour parler du journal Zone Campus qui sort en kiosque aujourd'hui, 18 au 31 octobre, avec la GQTR qui fait sale comble en couverture. Exactement. Les deux premiers articles du journal qui vont parler de l'Assemblée générale de l'AGEQTR puis de l'Assemblée générale de C'est fou et Zone Campus qui s'est déroulée mercredi le 6 octobre. Qui, entre autres, la cotisation de l'AGEQTR passera de 13 à 15 $. Mm-hmm. On parle aussi du dévoilement des armoiries de l'UQTR. Oui, des petits symboles, comment t'appelles ça? De la connaissance jusqu'au savoir, c'est leur slogan. C'est pas en latin, par exemple? Ça manque de latin un peu? Ça manque de latin. Non? Une très belle image. Ça manquait de Mathieu Plante. Elle connaît Soum et le Savorum. Hein? Si on continue, on va parler des doctorats honorifiques qui ont été remis à Gaston Bellemare et Dr Gilles Julien. On va parler aussi du lancement d'un nouveau laboratoire de technologie d'aide pour les troubles d'apprentissage. OK. Des nouveaux éléments, on avait écrit dans la dernière édition du Zone Campus qu'un des deux parties de la SK qui n'avait pas voulu nous parler, ben, cette partie-là nous parle dans... Mm-hmm. A bien voulu le faire pour cette édition. Exactement. C'était la une du précédent numéro, donc c'était quand même un gros dossier. Oui. Dans l'éditorial, on va traiter du français à l'école. Français! Oui, exactement. Écrit par vous, Mme Tremblay. Exactement. Je vous invite à le lire, c'est très, très intéressant. J'ai bien hâte de voir ça. Ça fait un petit peu changement du stationnement. C'est pas vraiment le même sujet et le même discours. Le QTA qui développe un partenariat avec plusieurs chambres de commerce. On va parler aussi de la rentrée de Coopsco. Puis avec, c'était l'Assemblée générale eux aussi, les nouveaux projets qui s'en viennent pour eux, les dossiers importants de 2010-2011. On vous présente le service d'infirmerie qui est destiné aux étudiants. Oui, service de santé qui est méconnu. D'ailleurs, on peut le voir aussi dans le Vox Pop. Là. Ça se représente aussi. Mais moi-même, j'étais... Surpris? Mais... pas surpris. En même temps, je savais que ça existait, mais tu sais, souvenir lointain, je sais même pas c'est où. Tu vas savoir en lisant l'article, tu vas pouvoir y aller si t'es étudiant. Ouais, c'est ça, exactement. Non, puis c'est bon à savoir. Des fois, on ne file pas tout le temps, puis au lieu d'aller à l'hôpital. Effectivement. Comment c'est difficile de faire la file à 5h ou 4h du matin ou à l'université. Sans rendez-vous, c'est ça. On va donc voir l'infirmière à la place. À l'université, tu vas peut-être attendre aussi 4-5h le matin. Ouais. Ben, je pense pas. Non, je pense pas vraiment pas. Je pense pas, il y a plein de monde qui savent pas c'est où. Ça doit pas être si occupé que ça. Je pense que tu mais tu vas 24h sur 24? Je sais pas. C'est non, ça doit pas, ça doit être sur les heures de bureau, c'est j'imagine. Ça, en fait, mon raisonnement était plus là, dans le sens que... Mais bon. J'ai l'impression que ça fonctionne plus comme un CLSC que... Ouais. On parle aussi de dons importants pour les milieux de stage en milieu de garde. Mm-hmm. Donc ça, c'était la section actualité du Zone Campus le plus récent. Maintenant, on sort dans la section société. Exactement. Sophia Tournier nous parle dans ses confessions de propagande politique sur Facebook. Ah ben intriguant, ça. Oui. Je vous invite à lire. On a toujours le fantasque qui est là. Et au Vox Pop, comme disait François-Olivier, on vous demande ce que vous connaissez du service d'infirmerie de l'UQTR. Pas grand-chose, apparemment, pour la plupart des gens. Non. Effectivement. Il y a évidemment la section activités à venir et puis des photos du campus en action. Art et spectacle. En art et spectacle, on vous présente la nouvelle exposition qui a lieu à la galerie d'art R3 ici sur le campus de l'UQTR. Pavillon des Rébauchemins, juste à côté des bureaux de C'est fou. Exactement. C'est une très belle exposition que je vous invite à aller voir. On va parler aussi de la tournée de Dumas. Que Mélissa a eu le plaisir de rencontrer. Ah oui? Ah, t'es jalouse? Ah oui, je suis vraiment jalouse. Un petit peu. Tu trouves séduisant? Ouais, il paraît bien. Ouais. Parfait. OK. Bon, ben, il y a de l'air sympathique. Toi, tu le trouves pas? Ben, écoute. Ben, sincèrement, il y a de l'air gentil. OK. Bon. Toutes les filles l'aiment et tous les gars voudraient être lui. Mettons. Non? Bon, non, mais. Ben, bon, je peux pas dire que j'aimerais changer de vie avec lui. Mais. Hein? Bon. Que voulez-vous? Passons. On parle aussi de Radio-Radio que Mathieu, tu as eu l'occasion de voir en spectacle. Très bon spectacle. Stéphanie Gagné a bien aimé ce spectacle-là, plus que moi. Mais bon, je suis pas un fan tant que ça de Radio-Radio. On va parler aussi du nouveau panneau d'interprétation historique du pont La Violette, de la Luitre, qui va être en action ce soir. Oui, c'est vrai. À partir de 19h30 à la Chasse-Galerie. Tous les lundis. Exactement. Soyez-y. Le nouveau magazine culturel du Centre du Québec qui s'appelle Cultura Centrum. Tu vois, là, il y a du latin. Fait que là, c'est winner. Ouais. C'est ça que ça prend. Je sais pas si c'est du latin, ça. On continue avec le spectacle de Guy Nantel que Mélissa a encore eu l'occasion de rencontrer. Là, t'es moins jaloux avant le spectacle. Ben, je suis un peu moins jaloux. Juste correct. Ouais. D'accord. Mais il paraît que son spectacle est super bon. Oh, mais... Oui, il doit être très drôle. Lui. Il doit être très drôle. Mais il est peut-être moins séduisant un peu que du moins. Ouais, de l'opinion de Audrey Trump. C'est un autre genre. Bon. Carré, nous autres, les débats sur les gars aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Puis on parle aussi de Testimo qui va être la suite. Mais pas la suite, en fait. C'est un nouveau projet de ceux qui ont fait Showtime. Ben oui. C'est le nouveau. Fait qu'on va entendre parler pendant les 20 prochaines années. All you need is love. Exactement. Hmm, et ben. Ça, c'est les arts et spectacles. On passe au sport. C'est la dernière section du journal. Ouais. Au sport, on conclut la saison de golf avec les filles qui montent sur la troisième marche du podium. On va faire un parcours de la saison de volleyball qui s'en vient, qui n'est pas commencé, mais qui promet. Au cross-country, on va faire le tour de qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant parce qu'on n'en avait pas beaucoup parlé dans les autres éditions. Mm-hmm. On dit que c'est pas mal une nouvelle mode, c'est le cross-country. Ouais. Exactement. J'aime bien la branlette western aussi. Golf masculin. Ouais, on passe au prochain sujet. Soccer aussi. Soccer. Oui, oui. on va parler en soccer puisqu'il n'y avait pas de match. C'est Joannie Dufresne, journaliste au sport, a tracé le portrait de Yannick Fournier, joueur de soccer. Puis au hockey, on va parler des deux premiers matchs, puis d'un survol de qu'est-ce qui s'en vient pour la saison. Ah, ben, cool. C'est super. Ça fait le tour. Un beau journal. Oui, vraiment joli. Merci. Très belle parution. Sympathique. On dirait que je l'aime plus que la dernière. Tu veux l'amener chez toi? Ouais. Ouais, je l'ai déjà amené chez moi. Vas-tu l'encadrer? Oui. C'est dur d'encadrer chaque page, hein? Ouais. Ça prend beaucoup de budget. Je trouve qu'on n'a pas ça assez fou. Ben. Non. On pourrait. On pourrait. Donc, Journal Zone Campus en kiosque du 18 au 31 octobre 2010, volume 6 numéro 4. C'est aussi sur Internet au zonecampus.ca à lire en tout temps, je dirais. Ça s'encadre mal un PDF aussi. Il y a toujours moyen. Toujours moyen de tout faire, ce qu'on veut faire. Ben, regarde Audrey. Elle veut tout faire, elle le fait à chaque deux semaines dans le Journal Zone Campus, comme moi ça. Hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, maintenant, retournez travailler, madame. Bon. Donc, hey, merci beaucoup. On se revoit dans deux semaines. Oui, exactement. Merveilleux, merveilleux. Si je suis encore invité. Ah, oh, ben oui, certainement. Et puis, c'est dans ta description de tâche. non, mais c'est du quoi? En fait, la porte est ouverte, donc tu peux venir n'importe quand. Okay. N'importe quand. Ça veut dire demain, tu pourrais venir. Ah oui, demain. À 7h12. 7h... Okay. Ouais, ou 8h16. OK. OK. Je voulais la faire venir plus de bord. C'est ça qu'elle a dit. Donc, Audrey Tremblay, merci beaucoup. Donc, en plus, super. Beau merci. Travail. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci à vous aussi. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, l'émission qui fait des jeux de mots un petit peu poche, puis qu'à un moment donné, on passe à un autre sujet pour pas que ça paraisse trop. Des jeux de mots louches. Louches. Pervers, même, par moment. Hein, c'est Mathieu Plante qui le dit. D'accord. Donc, Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Oui, 8h16 minutes présentement. Nous autres, on va retourner en musique avec un artiste que Mathieu va vous présenter. La patate rose. La patate rose. Pas Chocolove. Non, j'ai envie de changer un peu. OK, là, tu me surprends. Ben, c'est ça, parce que moi, Chocolove, c'est excellent, mais des fois, il faut faire changement un peu. On écoute la version Country Beach de Décapote. Sur C'est fou. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je

bon coup de semence, pis la balle est dans mon cœur. Me paye un grand bol d'air frais. J'ai vu le film de ma vie, j'ai failli mourir d'ennui. C'est pire que le film français. Je suis à des lunes de Chuck Norris. Je manque de kick, mais la balle est dans mon cou. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous. Grand Les Frères Goyette avec la baille dans mon camp. François, on va avoir beaucoup d'affaires à acheter dans le mois de novembre. Oui. Ça va faire dur, je pense. Ça va faire dur. Et puis, tu me disais pendant la pièce Donkey Kong. Oui, Donkey Kong Country Returns qui sort dans le mois de novembre aussi. Oui. Ça va être génial. Des cadeaux de Noël. Ouais, mais c'est ça qui est difficile avec les cadeaux de Noël. C'est que, tu sais, on veut se faire acheter des affaires par nos copines, mais à un moment donné, on veut jouer avant Noël, tu sais. Ouais, on est pire que les enfants. Un petit peu. L'attente va être longue, j'ai bien l'impression, Stéphanie, hein? C'est vrai. C'est difficile des fois à attendre, hein? Absolument. Écoute. hein? Parle de ça. Hey, on a écouté Les Frères Goyette, comme tu disais, qui est numéro un, si je ne me trompe pas. Ouais. Du côté francophone. Number one. Au numéro uno. Très bonne pièce, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ouais. Il nous reste environ une demi-heure à l'émission Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. C'est le moment de prendre une petite pause. Après ça, Stéphanie va arriver officiellement avec sa chronique Take Me Out sur les sorties spectacles et on va parler ensemble. Spectacle d'Okego. Oui, j'ai hâte. On a tous très, très hâte. Restez là. À tantôt. À tantôt. C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de Banque Nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec F.O. et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. Bonjour, bonjour. Vous êtes de retour à Assemblage requis, toujours en compagnie de Mathieu Plante et de François-Élie. Marchand. J'ai comme moins d'entrain en disant mon nom que le tien. Un petit peu, mais j'aime ton nom. Faut que tu y crois, t'es un marchand en plus, tu sais. Tu vends les choses, faut que tu te vendes toi-même. Là. Oui. T'sais, ça a du sens, ça. Je suis un peu gêné. Ouais, je vois ça. T'es un petit Véra, toi. Un petit Véra, hey, ça c'est pas gentil, par exemple. Un petit Vlimeux. Un petit Vlimeux. Ah, bon, accueillons Stéphanie Gagné, qui est notre chroniqueuse. Gagné? Ah, ben, elle a un nom gagnant, oh, j'ai jamais entendu ça de sa vie. Hein. Take me out. Take me out! Comme si toi, t'avais pas entendu marchand mille fois dans ta vie aussi. Puis comme moi, j'avais pas entendu plante, comme des jeux de mots sur plante. Plante, mode planté, mon échalote. Hey, ouais, celle-là, j'avais entendu pas. Puis mon nom de famille, pour ceux qui veulent savoir, parce qu'ils aiment les faits divers, puis ils veulent aller peut-être updater ma page Wikipédia, mon autre nom de famille, c'est Tousignan. Fait que vous imaginez les jeux de mots, hein? Ouais. Donc, Stéphanie, take me out, s'il te plaît. Oui, avant de parler du show d'Okego, je vais parler ensuite des spectacles de cette semaine. Y en a-tu qui s'en viennent? Il y en a deux assez énormes, puis il y en a d'autres plus petits. J'aimais la liaison de ça, c'était cool. Il y a le 19, donc demain soir, Valsalva qui va être au Grand Bonus pour les mardis live du Grand Bonus. Le 20, il va y avoir Mister Valère au Metropolis. Puis ça, c'est même pas mon gros, là. C'est même pas, ça rentre même pas dans les gros. Ah ouais? Fait qu'imaginez les gros de quoi ça va avoir l'air. Aussi, le 20, pas un spectacle, mais la 6e saison de Mange ta ville qui va recommencer à RTV. Et c'est aussi la dernière saison. Alors, ouais, comment ça? C'est plate, ça. Je sais pas. C'est triste. Budget oblige, je sais pas. En fait. Probablement. C'est probablement quelque chose dans le genre. Peut-être qu'ils vont donner une autre demi-heure de plus, mais c'est juste de la télé. Ça coûte. C'est d'accord. Bon? T'as dit ça? C'est juste de la télé, c'est bon? Non? Ouais, c'est André bon. Robitaille. Ouais, André Robitaille. Mais André Robitaille, il a pas eu facile à la télévision. Non? Ben, depuis moi, je me rappelle mais... de son émission avec les poissons en arrière. Les mordus. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait ce soir, on joue. Non, c'est quoi donc à TVA, la dernière là, qu'il y a eu, là, testé sur des humains, ça a pas duré longtemps non plus. Ça revient pas, ça? Je sais pas. Ah ben, Colin, c'est plate. Pas bref, André Robitaille, il fait pas partie de mes spectacles du la tout, semaine. Hein? Non, on déraille. C'est-tu toi qui disais qu'on déraillait un peu des fois? Oui. Ça arrive. Okay. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, le 21, il y a Elisabeth Isaac qui va être au cabaret du Myland. Et aussi le 21, c'est ce soir-là qu'il va y avoir les deux gros spectacles dont je parlais. Il va y avoir Phoenix, Tokyo Police Club et Waves qui vont être au Sepsum. Et du côté de Québec, il va y avoir Muse et Metric au Colisée Pepsi. Ooh. Et même soirée, mais en région, il va y avoir, je ne sais pas si vous connaissez ça, le cabaret biodégradable. Non. À la salle Anaïs. Alors, Rousseau, c'est très cool. C'est quoi, non? Le cabaret biodégradable, c'est des humoristes qui lisent des extraits de biographies québécoises, mais qui sont vraiment pathétiques. Là, puis, dans le fond, ils lisent des extraits puis, qui sont très drôles. Ils en rient un peu. Ouais, c'est ça. Ah ben. Dans le fond, rire des biographies québécoises. C'est le fun. Ouais, j'avais vu des extraits au voir, là, puis ça avait l'air vraiment drôle. Et ensuite de ça, le 22, il va y avoir Think About Life, qui va être à l'UQAM. Et le 23, encore une fois, Elisabeth Isaac, mais qui va être en région, ça va être au Moulin Michel à Bécancour. Oh, le Moulin Michel, t'as vraiment à Bécancour. François! Wow. Hey, j'ai un spectacle. Mais t'avais-tu terminé? Oui, j'ai spectacle quoi? Écoute, Toronto, c'est un peu loin, par exemple. Over. Mais il faut vraiment que ça nous plaise. Les Hanson. Hey! Du côté de Toronto. Bap, bap, bap, bap. Ouais, exactement. Donc, allez voir ça si ça vous tente. Je sais pas, ou si ça vous tente, si ça vous tente pas. Hey, allez à Toronto pour aller voir les Hanson. Hein, faut, je veux. Je veux. I want you. Hey, tu y vas, attends, vas-y. Ouais, je pensais même plus qu'en faisait. Je sais pas pourquoi j'ai eu un déclic, donc je t'allais voir. Puis, non, ils font une tournée le 23 novembre. Cool. Ben merci. Bref. François. Ouais. Ouais. Hanson. OK, go, c'est le spectacle qu'on est allé voir en fin de semaine. Oui, et qui était assez excellent. Hein? Assez. Pour le moins, cela va sans dire, excellent. Ouais, moi j'ai aimé, il y a plein de petits aspects du spectacle que j'ai vraiment adoré. Lunettes 3D. Oui, pour leur... Qui était fourni? Oui, ouais. Gratuitement pour un visionnement exclusif au Canada, hein, quand ouais. Même. Du vidéoclip de White Knuckles. Est-ce que tu l'as vu déjà, le vidéoclip de White Knuckles, François? Non. C'est celui avec les chiens, puis les poubelles Ikea, puis les tables Ikea, puis tout ça. Ah, faut que tu vois ça, c'est tellement hot. C'est une belle chorégraphie, et puis la version 3D, pas super impressionnante, là, quand même. Ouais, mais c'est parce qu'on avait des lunettes... Cheap 3D. Là. En carton, pliable, c'était pas malade. Mais en tant que tel, le vidéoclip, s'il sort sur je sais pas quel support, et puis après ça, pour les télés 3D, mettons, je sais pas. Voilà, Ça pourrait. Peut-être. Mais OK Go qui s'est fait connaître par son vidéoclip. Par leur vidéoclip leur nombreux. Vidéoclip. Ouais, pas leur. De budget du tout. Non, ouais, c'est ça. Le premier, tapis roulants, c'était... Mais il y en avait un avant, les tapis roulants. C'était la danse sur... La danse en jardin, A Million Ways, ouais. Évidemment. Oui, le vidéoclip des tapis roulants, ça c'était pour Here It Goes Again. Ouais, il y a Invincible qui a deux vidéoclips. Un avec la caméra qui bouge sans cesse et un autre avec... Les explosions! C'est ça, non? C'est pas ça? Ah oui, c'est ça. Oui. Je me suis trompée. Tout plein d'affaires qui explosent. Invincible, c'est les explosions. C'est Do What You Want, qui a la caméra qui bouge super vite. Et une autre version tapisserie. Avec la tapisserie. Bref, il y a un DVD avec leur deuxième album, Oh No, qui a tous les vidéoclips jusqu'à date de cet album-là. C'est vraiment excellent. Et puis pour leur nouvel album, qui s'appelle Of the Blue Color of the Sky, il n'y a pas de DVD encore, mais il y a des vidéos haute qualité sur YouTube, dont celle pour WTF avec des couleurs bizarres. Et puis, ça, c'est avec l'effet domino, si on veut. Bref, on est dessus là pour White parler de vidéoclips. White Knuckles and Love. Ça. Ouais, ça, il y en a plein. Ouais. Spectacle, donc. Il y avait les lunettes 3D, il y avait les confettis qui sortaient de canon, mais durant tout le spectacle. Pas juste pendant une pièce, là, pendant plusieurs pièces, à demander dans des moments appropriés où il y avait un gros beat. Ton gros refrain, là. plein de confettis dans full, c'était écœurant, hein, ça. Il y en avait vraiment énormément. À la fin du spectacle, nous autres, on en avait pour que ça couvre le sol, mais on n'était pas en avant. Là. Il a fallu qu'ils prennent des trucs pour les feuilles d'automne pour enlever les confettis. Des wind. Non, des trucs à air là, qui soufflent. Des pfff. Ok, ouais. À part de ça, il y avait les lasers au bout des guitares. Il y avait tous des jets de lasers, puis il fallait aller ça dans la foule. Des lasers dans nos yeux, ça aurait pu nous tuer. Nous rendre aveugles. Ah, tu pourrais les actionner, Mathieu. Sur mon Facebook, il y a une photo, j'ai vraiment le laser d'en face. Tu vois vraiment un laser, un autre, puis un autre, vu qu'il y en avait trois par guitare. Parce que c'est très cool. Puis il y avait aussi l'écriture en... Sur la guitare. Derrière les cordes, il y avait des... Parce que, dans le fond, les... Comme les ceintures, là, qui décrivent des choses, là, qui défilent. Ouais. Parce que « Of the Blue Color of the Sky », ça vient d'un livre qui date d'il y a super longtemps. Donc, il y avait des paroles, des extraits de ce livre-là qui défilaient sur la guitare de Tim. Oui. Et aussi, quand que les quatre gars sont revenus du rappel, il y avait toutes des vestes avec l'écriture, encore une fois. Il y a de l'écriture qui bougeait. Donc, sur leur veste en arrière, t'avais comme un genre d'écran, je sais pas trop quoi, des LED, des lumières, et puis ça défilait OK Go, des flèches, des niaiseries de même, des sourires. C'était cool. Il y avait des caméras intégrées au micro des gars. Oui. Ça, c'était super. Il y avait vraiment une caméra au bout du micro. Fait qu'on le voyait, il pouvait bouger son micro, puis on voyait sa face. Ben, la face de chaque membre du groupe. Ouais. Ça a du sens? Oui. Puis là, ça, on les montrait en arrière un peu comme une caméra de surveillance, donc ça changeait de caméra en caméra. C'était cool, ça. Et climax de la soirée, Damien, le chanteur, qui est venu à moins de 2 mètres, je dirais, de nous pour chanter Last Leaf. Steph est en amour. Steph est en amour, absolument. Ben, je pense que Steph et pas mal toutes les filles qui étaient présentes au spectacle sont en amour en ce moment. Ah oui, marry me tout de suite. Il a 35 ans, puis il est marié depuis 5 ans, mais c'est pas grave. On s'en fout. J'ai fait ma petite recherche Wikipédia. Mais j'en doute pas. sinon, la salle était quand même pleine. C'était au National. C'était pas mal rempli. On aime la salle qui est en pente. Oui, on en a pas mal profité. On s'est trouvé un spot quand même pas si pire. Devant la console. Juste au début du premier step, vraiment, ouais, de la salle. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait personne en arrière de nous autres. Ben, il y avait du monde devant nous autres qui nous accolait vers la console, je vous dirais. Mais bon. Mais moi, j'ai vu quand même très bien durant pas mal tout le spectacle. Il y a peut-être une ou deux chansons qui avaient un gars devant moi. Là, mais les gens qui ont une grandeur correcte voyaient, mais les gens qui ont une grandeur moins correcte, eux, voyaient pas ça. Ouais, tu sais, comme... Ma copine. Voilà. Bref, excellent spectacle. On aime beaucoup le fait que le spectacle est très, très long. Je veux dire, ils ont fait pas mal toutes les pièces du plus récent album et beaucoup d'extraits des anciens. Et ben, moi... Plusieurs du deuxième, une du premier. Ouais. Moi, j'ai aussi aimé qu'ils parlaient quand même pas mal entre les chansons. Quand ils ont raconté l'histoire Pretty in Pink, quand ils ont fait la première partie du groupe qui a fait la chanson If You Leave. Ils jouaient avec un groupe, puis le groupe a joué 3 fois la même pièce. Parce qu'ils ont juste un hit, dans le fond. C'est ça. Alors, eux, ils en ont profité pour jouer 2 fois White Knuckles, 1 fois live et l'autre fois avec les vidéoclips. C'est un peu l'histoire qu'ils racontaient. Ouais. Ils ont joué Return du premier album sur des cloches parce que si vous êtes fan de OK Go, vous allez sur YouTube, il y a plein d'extraits de spectacles. Et d'habitude, ils jouaient une autre pièce de... En tout cas, là, présentement, je me rappelle pas laquelle, mais ils jouaient une autre pièce sur les cloches, des grosses cloches. Ils ont une chorégraphie, puis c'est juste ça qu'ils jouent la musique. Donc, ils ont pris Return du premier album, puis ils ont joué ça sur des cloches pour la première fois. Oui. C'était la première fois à ce spectacle-là qu'il la faisait, celle-là. C'était cool. C'était vraiment cool. C'était silencieux. Est-ce qu'il y avait une première partie ou... Deux premières parties. Oui, donc une première partie que je vais parler demain, puis l'autre, ça vaut pas la peine qu'on en parle. Ben, l'autre, c'était Summer Darling. Parlons-en quand même juste minimalement. Summer Darling, c'est un groupe de Los Angeles. On n'a pas particulièrement aimé ça, mais c'était bien, je pense. Ouais. C'était correct. C'est un peu tout pareil, leur chanson. Ouais, c'est ça. Donc, ça passera pas pour nous à l'histoire. Mais par contre, Company of Thieves, que tu as tellement aimé, dont tu vas en parler demain dans ton plat favori, ou mercredi? Demain. D'accord. Qu'est-ce? Demain. OK. Merci. Tomorrow. Oh, my friend. Voilà. Donc, OK, go, on a adoré ça. C'est le résumé de la chose, je pense. Hein? Oui, puis même si en m'en venant, j'ai entendu que vous avez fait jouer du OK Go, ben moi, j'étais déjà en m'en venant et j'avais 2 CD d'OK Go. Mais c'était déjà prévu qu'on en ferait jouer encore dans la chronique. Cool. Fait que c'est ça, j'ai apporté les 2 CD, pas Of the Blue Color of the Sky, mais Oh No et OK Go. Puis j'ai choisi Get Over It, vieille chanson, mais tellement excellente. C'est celle qui a terminé la première partie du spectacle, si je me rappelle bien. Je pense que oui. C'est ça. Vous êtes assemblage requis. Take me out. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. If it should be the last autumn leaf hanging from the tree, I'll still be here waiting on the breeze to bring you down to me. And if it takes forever it'll be. And if it takes ever it'll be. T'as le droit. Ah! Et ça, c'était fort, Benjamin. Arrête, je l'ai fait vraiment pas fort en plus. Et ça, c'était la pièce que Damien a chantée tout près de nous. Damien étant le chanteur de OK Go. Damien, Coulage. Ça fait très sensuel comme nom. Ouais, vraiment, Coulage. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Très bonne pièce. François, t'as-tu fini derrière moi? Parce que j'ai comme un fond à mettre derrière ça. C'est un petit peu long à peine. Donc, c'était la chronique Take Me Out de Stéphanie Gagné. Ah, là, là! Donc, merci. De rien. Moi, j'avais pas de chialer. Crime, il ferme mon micro. Ben, je voulais pas que tu me parles. Je te déteste. Je te déteste. I hate you so much. Please die. Bébé Lala. Ouais. I hate you so much I can breathe. Wow! Hein? C'est une parole d'OK Go. I love you so much I can breathe. Hein. T'es-tu un fan de Bigo, François? À la date, ça parle de Je sais pas, en fait. Plus des bruits que d'autres choses. Exact. Mais c'est pas mauvais, en fait. mais en même temps, je suis pas certain que je m'achèterais là-bas. OK, bon, on t'en fera écouter à tous les jours pour le reste d'éternité. Tu vas m'écœurer, puis... C'est ça. C'est ce que ça donne. Hey. Fait que Take Me Out, la semaine prochaine, de retour, lundi à 8h30. Et demain, à ton plat favori. Absolument. Écris-moi. Je t'emmerde pas trop, Stéphanie. T'as l'air de t'endormir. Oui. Demain, ça va être assez chiant. J'ai les yeux qui coulent encore. Pour une seconde, j'ai cru que t'allais faire une crise cardiaque. J'ai dit, ça y est. S'il te plaît. On va passer aux nouvelles. Ouais. Enfin, quelque chose qui va marquer l'histoire de C'est fou. Parce qu'on n'a pas d'affaires qui marquent l'histoire de ces fous ici. Et on en a plein. Donc, Stéphanie, demain, c'est ça, 7h30, fait que prépare-toi mentalement. Ah, c'est le bonheur. Ouais, je sais. Ouais. Pauvre toi. Change ça de jour, voir. Okay? On va voir. C'est ça. Vous êtes toujours Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Oui, encore Mathieu Plante qui vous parle. C'est un peu plate. Ben, mais t'as juste à piler par-dessus ce que je dis. Hey, Mathieu! Bon, présente-la l'émission, hey, toi, c'était si bon que ça. Non, arrête donc. Tu sais quoi, là? Il est fâché? Non, du tout. Le bébé est fâché. Guili-guili, gaga-gougou. Hey, non, on va aller entendre le numéro avec la pièce Tout est parfait. OK. Tout est parfait. Ben, moi, je trouve que everything's all right, fine with me in the ghetto. De gâteau. Mais ok. Et toi. Tout est parfait de numéro. Oh yeah! C'était pas parfait ça ce matin avec le gros soleil. C'était beautiful. Beautiful, mais c'est quand même frisquet. Donc si vous sortez, habillez-vous chaudement. C'est ce qu'on nous dit, ouais. Nous, on l'a pas remarqué, évidemment, vu qu'on sort de chez nous à 6h30, on est encore en état végétatif. Ouais, exactement. Et à ce temps-là, ben, sans grande nouvelle, je vous annonce qu'il fait pas mal tout le temps froid. Ok, à cette date-ci, c'est confirmé? C'est confirmé. Bon, assez niaisage, c'est le moment de parler de technologie. C'était pas du niaisage. Non, c'était parfaitement viril et crédible. Petit moment inconfortable ici. Qui se prolonge encore. Et qui n'arrêtera pas jusqu'à ce que l'on commence la chronique Geek Cynix. Oh, pour la roulette chanceuse, attention, ce sont les... François-Olivier! Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on va faire un petit survol rapide des différents internets qui sont à notre disposition sur le www. Des internets. J'aime ça quand tu dis ça. Ben, merci. Commençons avec... Ah, ça me fascine étrangement. Il a pas l'air de vouloir complètement apparaître en ce moment sur mon ordinateur, mais c'est pas super grave. C'est le press kit de Windows 1.0 qui a été posté sur Internet récemment. Donc, c'est vraiment le document qui vantait les mérites de Original, Windows. Original, là. Le premier Windows. Donc, c'est vraiment super cool. Allez voir ça. Puis, s'il était affiché, je pourrais vous dire ce qu'il y a dedans. Mais quand même, c'est pas grave. Hey, le premier Windows s'est vendu à combien d'exemplaires? Le sais-tu, il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs en ce temps-là? Je sais pas. Bonne question. Windows, je pourrais trouver ça facilement. Essaye de me trouver ça, je suis curieux. Mais celui qui s'est vendu le plus, c'est Windows 95. OK. Ben, est-ce que je me trompe? Je sais pas. Tu sais, il y avait une folie dans les magasins, là. On voyait ça aux nouvelles, et puis... Les gens se garochaient pour Windows 95. Ouais. Tu veux dire la date de sortie de Windows 1.0, par exemple, c'était le 20 novembre 1985. 20 novembre 1985. Ouais. Pas pire, hein, quand même. C'est vieux, là. Je suis né en 84. Ben, félicitations. Quel âge a Bill Gates? Hein? Ah, tu m'en demandes des questions. Okay, okay. Faut que je fasse des recherches live et qu'on a comme 5 minutes avant la fin de l'émission. Oui, j'arrête. Il est né en 55, il a 54 ans. Et puis la date de sortie de Windows 95, c'est le 24 août 1995. As-tu d'autres questions comme ça? Je vais t'y trouver vite. Mais quel des Windows a été le plus vendu? OK, attends un peu. Moi, je suis sûr que c'est ce que les gens aiment le plus. C'est quand il y a des silences pendant que je cherche. Moi, je suis sûr que c'est 95. Je peux me tromper, je sais pas. Je sais pas. Pas grave. C'est pas grave. Prochain site à voir, c'est sur theinternettoday.net. Il nous poste un vidéo. De nitroglycérine frappé à l'aide d'un marteau, mais montré au ralenti. Hey. C'est filmé au ralenti extrême pour la première fois au monde pour l'émission Explosions, How We Shook the World. Donc, frapper avec un marteau, c'est assez pour causer la détonation de cet explosif incroyable. Donc, ça crée une onde de choc supersonique et un gros blast, un flash de lumière qui est presque trop rapide pour être filmé, même avec les caméras les plus spécialisées. Donc, allez voir ça, la vidéo est sur assemblagerequis.com. On voit vraiment ça avec le marteau en temps incroyablement ralenti, à 100 fois. Ralenti à 100 fois. Ou 200 fois, comme vous voulez. C'est malade. Et même là, c'est quasiment à peine assez pour voir le blast de lumière. Là, c'est vraiment une explosion. Va voir ça, c'est génial. Tu connais les sites Instant quelque chose? Il y en a plein sur Internet, que ce soit un Ono de Star Wars, de je sais plus trop quel film. C'est comme des boutons flash sur un site web et ça vous permet de créer des... Il y a instantrimshot.com, je pense qu'on entend souvent parler, qui te fait comme quand tu as une blague drôle, tu peux aller directement sur ce site-là puis le trouver. Il y a maintenant un nouveau site qui s'appelle instantsfun.es. Fun? Instance, avec un S, fun.net. Et là, lui, en regroupe plusieurs. Donc, tu as par exemple, mettons, tu fais quelque chose de drôle... Okay, c'est génial, hein? Je pense que si tu repasses dessus, ça leur commande. C'est point .net, instant fun. Instant avec un S, ouais. fun.es. Tu peux faire escape pour arrêter le son. C'est vraiment génial. Et les boutons rouges représentent des nouveaux. Donc, par exemple, mettons un des nouveaux sons. Ah, tiens. Boom, headshot! OK. Super. Il y a... Quand tu fais référence aux experts, mettons. Bird is the world. Ah, is the word. Ouais, ben là, c'est difficile de les trouver en temps réel comme ça. Mettons que je suis tanné de toi. Fatality. c'est quoi? C'est fatality dans les choses de Finish him. Ah, tiens, c'est dans quoi ça? Finish him. Dans Mortal Kombat. Mortal Kombat, voilà. Go! Okay. Là où, moi. Ah, c'est génial, il y en a plein. C'est des instants et des instants de plaisir. Instants comme dans Instant Bueller. Bueller. Bueller. Bueller. Qu'est-ce qu'il y a? À gauche, en haut? Non, va le jaune en haut, sur la première rangée. Là, là. OK. Tu peux les mélanger comme ça. OK, tu peux les mélanger. Oh, c'est pas du tout fatigant, tu sais. Pas du tout. Hey, c'est hard, ça. C'est hard, c'est un beau petit site. Moi, j'adore ça tellement que je trouve que c'est, mettons, attends un peu... Un ben, hey, c'est très le fun, ça, pour une émission de radio, ça. Oui, pour une émission de radio. Mettons, une émission de radio de qualité pourrait s'en servir de façon appropriée. Ouais. Nous, ouais. Apparemment, c'est pas le cas. T'sais. Finish him. Finish him. Ben, ça... Va falloir finir la chronique pas mal bientôt. Hein. On va vous laisser le reste des liens sur assemblagerequis.com, dont une bande-annonce pour Back to the Future, mais refaite avec Michael J. Fox du présent. Donc, refait avec lui, le vrai Michael J. Fox, pour les 2010 Scream Awards présentés sur la chaîne Spike TV aux États-Unis. Donc, il a refait la bande-annonce. Allez voir ça, c'est sur assemblagerequis.com. Et un petit dernier rapidement. Non, je pense que ça va faire parce que, sérieusement, on manque de temps. Donc voilà pour CNX aujourd'hui. Il y aura une autre chronique éventuellement. Peut-être le reste des liens, j'en parlerai peut-être dans l'émission de demain. Je pense que ça pourrait être pas pire du tout. Parce que demain, on revient en ondes à 7h, de 7 à 9. Oui, demain, on va être là en direct avec une chronique de Maxime Lemularamé et ses choix musicaux dans Télécharge quoi. Stéphanie Gagné aussi qui va être de retour demain. Avec ton plat favori. Ton plat favori, exactement. C'est coup de cœur la semaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre demain? Émilie Gauthier avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Tout le monde va être là dans le même studio et vous y serez, mais dans votre radio. Dans votre radio ou dans votre auto? Restez sur nos ondes assez fous aujourd'hui. Il y a le dîner de con, évidemment, à partir de 11h. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui aussi? Plein de bonnes émissions? Hein? Oui, certainement. Donc, soyez à l'écoute. Ah, les betteraves hurlantes à 16h, faudrait pas les manquer, eux autres. Non, les betteraves hurlantes. Et puis, on a l'émission de rap aussi. Avec Laïs. Oui, ou c'est blanc ou c'est noir à partir de 20h. Entre les deux, il y a le voyage insolite à 19h. On se quitte avec les nouvelles de Radio-Canada. Soyez là demain, 7h. Bye bye. Hey, merci. Merci, François. Bye. Bonne journée.